Bon, une autre affaire que je voudrais parler, puis ça peut avoir l'air bizarre parce que l'hiver, je me fais pas couper les cheveux, puis avec mes lunettes, ouais, ça fait, je le sais que j'ai l'air fou un peu. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est dès que Trump a été élu, dès qu'il a été élu, Trump, il a servi à tapocher, puis à tapocher sur la population. Et c'est incroyable parce que là, c'était la cause de l'élection de Trump, c'était la masculinité toxique, c'était les jeunes hommes, c'était à cause de tout ça, c'était de leur faute. Vous savez, les jeunes hommes, que c'est eux autres en majorité statistiquement qui sont morts dans les dernières années, bon, c'était de leur faute. C'est à cause de la masculinité toxique. Puis vous avez vu comme moi, tout le monde en parle, des masculinistes toxiques. Puis Trump, c'est un masculiniste toxique. Trump, qui est sûrement pas capable avec ses 10 doigts de faire une cabane à oiseaux, qui se fait faire des chemises en soie sur mesure, qui est rasé de près tous les jours, que c'est probablement pas lui qui le rase, qu'il a les cheveux tendus, qui est maquillé, qui est bronzé, qui a l'air d'une grosse putain dans son retour d'âge. Vous allez me faire à croire qu'il est masculin. C'est un gars-là qui a l'air d'un gros sundae avec sa cravate rouge, là, avec une cerise. Il a le gros sundae en train de fondre avec une flaque de sauce au caramel sur la tête. Vous voulez me faire à croire que ça, c'est de la masculinité. Puis après ça, à tout le monde en parle, vous recevez du monde qui, genre, qui s'achète des huiles pour s'huiler la barbe, puis qui sont tout le temps au gym, puis, hein, qui se font épiler entre les sourcils, puis tout, puis me faire à croire, ça, c'est de la masculinité toxique. Savez-vous quoi? Je suis pas loin de vous croire. Je suis pas sur la moitié du terme. Mais une chose est sûre, c'est que, ben, j'étais pas là quand il y a eu tout ça, mais j'en pensais pas moins, puis j'ai bien ri. J'ai bien ri. Mais il reste que toute cette histoire de masculinité toxique-là, c'est une manipulation d'un bout à l'autre. C'est du grand n'importe quoi. C'est une construction, ça. Il a fallu que du monde y pense pour garrocher ça dans le public. C'est très étudié.